Vous êtes assez fous pour en écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Un autre sujet complètement aléatoire avec Myriam Fugère. Et on reçoit Yann Martel qui nous fait sa chronique financière. C'est assemblage requis, ça commence dans la neige. Zigzag, ouais. On a fini par se rendre, François, À cette foutue journée. Oui. Alors, hey, c'est très glissant, pour vrai. Oui. Si vous avez à prendre le chemin aujourd'hui, là, partez de bonne heure, s'il oui. vous plaît. Exactement, parce que... Et allez pas vite. Non, première question que j'ai demandé à François ce matin, c'est... Coudon, as-tu mis tes pneus d'hiver? Ouais, parce que je suis arrivé un peu en retard. Oui, c'est ça. Là, j'ai dit, rassure-toi, Mathieu, t'es en sécurité dans ma Corsica. Hein? Toujours. Voyons donc, je mettrais pas en danger ta vie comme ben ça. Non. Donc oui, j'ai des pneus d'hiver. Mais tabarouette, c'est vraiment très glissant dehors sur l'autoroute quand je me suis emmené. En fait, là, en sortant du pont, en s'en venant à Trois-Rivières, là, sortant du pont, le pont Radisson, je pense. Celui qui entre le Cap de la Madeleine et Trois-Rivières. Là. OK, ouais, c'est lequel. Là. Donc, il y avait deux autos à gauche, dans la voie de gauche, en fait, qui avait fait un mini carambolage. Et une auto à la droite. Donc, voilà, il fallait que tu passes dans le centre. Et puis, pas de police, rien, donc... C'est comme un jeu vidéo, hein? Ah, ouais, vraiment. Mais là, en même temps... Hey, c'est quoi la première chose que je me suis dit? J'ai dit, ça y est, c'est la fin de la Corsica. Mais non, écoute, elle m'a rendu de loyaux service. Ouais, il faut dire que c'était une journée difficile à passer, mais que demain, après le sable et tout ce qu'ils vont mettre sur les routes... Ouais, c'est ça. Ouais, espérons-le. Et s'habituer aussi à la conduite hivernale. Ben oui, chose faut reprendre l'habitude. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, D'ailleurs, tu disais que sur les côtes... La côte Cook, j'ai vu en fait des gens qui n'étaient pas capables de la monter. Donc hey. Là, je sais pas si c'est rendu où exactement. Ça va pas bien. Ça, c'est la côte Cook. Là, imagine la côte à deux fesses. Ouais, là, c'est ça. Je sais pas. Côte à deux fesses, je n'ai pas vu personne. Mais... Peut-être que la murale va en prendre un petit coup. Ça. Peut-être. Ah. Mais en même temps, ouais, quand tu descends, peut-être. Peut-être, hein? Peut-être. Mais bon. Donc, voilà pour le bulletin. Allez tranquillement, bref. Oui. Il est parti de bonne heure et puis roulez pas vite. C'est dit, maintenant, vous le savez. Ouais, regardez, on vous l'a dit, vous savez, c'est fou, c'est votre source d'information matinale. Hein? Exact. C'est comme en pièces détachées. Ah, très, très détachées, très, très pas souvent. Donc, aujourd'hui à l'émission, qu'est-ce qu'on a à 8h? C'est Myriam Fugère qui Myriam commence. Fugère? Oui, avec sa chronique aléatoire. Ouais, on elle sait nous pas parle quoi de? Non, je sais pas. Non, c'est aléatoire. Elle m'écrit un message texte d'habitude le mardi soir pour me dire ce qu'il va y avoir dans sa chronique. Aujourd'hui, rien du tout. Okay. Est-ce qu'elle va venir? Surprise. Est-ce qu'elle va se rendre à temps? Ouais, c'est ça, à savoir. Là. C'est peut-être son bon sujet. De bonheur, Myriam. Ouais, si tu nous écoutes, là. Ensuite, à 8h30, qu'est-ce qu'on a, François-Olivier? Yann Martel, du service aux étudiants, ici même à l'UQTR, fait sa chronique financière. Il va nous parler de l'investissement que représentent les études universitaires en rapport avec les bénéfices que l'on en retire. Aha! Donc, ça va être vers les 8h30. On récolte ce que l'on sème. C'est ce qu'il dit. Voilà. À 8h45, on aura Jasmine Raymond-Drainville, notre spécialiste linguistique. Et comme toujours, elle rend ça très divertissant, la langue française. Aujourd'hui, c'est un quiz. Un quiz! Elle appelle ça « Enrichissons notre vocabulaire ». Elle va tenter de nous faire deviner des noms de phobies bizarres. Ou des phobies bizarres, comme j'appelle. Et des quoi? Phobies bizarres? Ouais. Des phobies bizarres, c'est quoi? C'est des phobies bizarres, hein? Ouais, c'est... On peut pas se... Voyons donc. Donc ça, c'est à 8h45 en fin d'émission. On débute tout de suite avec les Cowboys Fringants sur leur album Que du vent. Voici un nouvel extrait du palmarès francophone. C'est Has Been. Sur C'est fou! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. On va le faire.

Comment ça va, Mark Hamilton? Avec Johnny Five? Johnny Mathieu, 5? Mathieu Plante, mon nom. Mathieu Plante. Mathieu Plante? Mathieu Plante? Ouais, t'es sûr? Pas Mark Hamilton. Non? Non, je te demandais pas comment ça allait, toi. Ah! Ben non, massacre. Hey! Ben non, massacre de ça. Hey! Non, c'est pas vrai. Hey, mais comment est-ce qu'on dit ça? Je me suis toujours demandé. Johnny? Je sais pas, ça varie. Ça dépend même. Eux, quand on leur a demandé en entrevue, ils ont dit, bah, ça dépend. C'est comme vous voulez. Ah ouais? C'est comme... Johnny 5, Johnny 5, Johnny Dash, 5, Johnny... Cinco, Johnny Cinco. Johnny Cinco? Sûrement. Johnny Cinco. Moi, je les appelle comme ça. Honey? Cinco! Cinco, moi, macho! Ouais, fais pas ton Enrique Iglesias. Ben là, est-ce qu'on parle de technologie? Non. Ouais. Et c'est sérieux, ça. Dot. Vous trouvez une autre manière de dire CCNX, parce que ça marche pas, ça. CCNX, ça... CCNX. Bon, donc aujourd'hui, dans la chronique CNX, une rafale de nouvelles technologies s'abat sur nous et nous cause des zigzags sur la route. Ouais. Commençons par quelques nouvelles sur Facebook. Il y en a beaucoup en ce moment. Facebook et Buffy, une histoire qui commencera fin 2012 ou début 2013. Facebook aura un autre téléphone social. Le réseau social de Mark Zuckerberg a en effet choisi le constructeur HTC pour mettre sur pied ce Facebook Phone répondant au nom de Buffy. Comme Buffy contre les vampires. Hein. Évidemment, ça va être tellement facile pour les gens qui écrivent des articles technologiques sur les blogs de faire genre Buffy contre les iPhones. Genre, j'en ai déjà vu un comme ça. C'est facile. Le blog techno du Wall Street Journal, All Things D, affirme ainsi que Facebook délaisse finalement Samsung au profit de HTC pour construire un téléphone qui sera commercialisé sous sa propre marque. HTC produit déjà le Salsa et le Cha-Cha. Deux autres Facebook phones, HTC devrait y intégrer une version d'Android radicalement différente, modifiée en profondeur afin d'intégrer au mieux les fonctionnalités du réseau social à tous les niveaux, un peu à la manière de l'Android du Kindle Fire d'Amazon. Selon les sources proches du projet, Buffy supportera le HTML5 pour faire tourner des applications dédiées. C'est Brad Taylor, le directeur technique de Facebook, qui serait personnellement impliqué dans la conception du téléphone. Un porte-parole de Facebook a décliné tout commentaire à propos de Buffy. Il s'est contenté de confirmer que la stratégie de Facebook est d'être présent sur tous les cellulaires. On n'attend pas le téléphone avant la fin de 2012 ou début 2013. Donc on dit iPhone égale Twitter, téléphone Android égale Google+, HTC égale Facebook. On se croirait dans un épisode de Buffy contre les vampires. C'est exactement ce que je disais. C'est branchez-vous qui écrit ça. C'est magnifique. Buffy contre Google+, c'est Twitter. C'est ça qu'ils disent. Moi, je trouvais que Buffy contre les iPhones, c'était encore mieux. Ouais. Ça, c'est CNET France qui utilisait cette phrase-là. Ah. Restons sur le domaine de Facebook. Dans le domaine de Facebook, un adolescent de Beauharnois et un de ses amis jouaient en ligne avec un jeune Belge. En visitant sa page Facebook, ils ont constaté que celui-ci avait exprimé des pensées suicidaires, selon un article de l'agence QMI. Le jeune de Beauharnois a alerté sa mère, qui a communiqué avec la police de Châteauguay. C'est ce qu'a rapporté l'agent Nadia Grondin, porte-parole du service. Les policiers municipaux et la Sûreté du Québec ont contacté leurs homologues en Belgique qui ont pu localiser l'adolescent en détresse psychologique. Et je cite, « Celui-ci a été pris en charge par les professionnels de la santé. Une vie a été sauvée grâce à la vigilance de deux adolescents du Québec. Ouais. » Oh, et au travail adjoint des corps policiers. Donc, c'est quand même... c'est Facebook, ça. La police encourage les internautes à signaler tout propos ou comportement qui révélerait l'existence d'une situation dangereuse pour la santé ou la sécurité d'une personne. Donc, on voit que Internet n'a pas que des mauvais côtés. Wow! Hein. Ça sauve des vies, cette affaire-là. C'est très bien. C'est très bien qu'ils aient pas, parce que, tu sais, on se rappelle tous d'histoires dans le passé de gens qui essaient de se suicider dans les réseaux sociaux, et puis les jeunes l'encourageaient à le faire, tu sais. Il y a déjà des histoires comme ça. Ça, c'est non. Ça fait dur. Faites pas ça. Non. Dernière nouvelle au sujet de Facebook, le ticker qui est sur Facebook, là, sur la nouvelle version de Facebook, il y a des petites nouvelles qui volent tout le temps dans les airs, là, qui font comme swing, qui monte, tu sais. Je sais pas si t'as le nouveau Facebook, la nouvelle version. Hein. À droite de ta page, t'as tout le temps des nouvelles qui roulent tout le temps toute seule. Ok, ouais. Si tu l'as pas vu, il y a des gens qui l'ont, là, ça roule tout seul, c'est vraiment, vraiment fatigant. Donc ça fait pas l'unanimité, évidemment, auprès des utilisateurs de Facebook. Ce qu'on appelle le ticker ne risque pas de gagner davantage en popularité avec cette annonce hier de l'arrivée des notifications commanditées à l'intérieur de ça. Ils s'aident vraiment. Ces dernières reprennent à leur compte des interactions entre les membres du réseau social pour en faire des sortes de publicités maquillées. Les histoires commanditées ne sont pas nouvelles puisqu'on les trouve depuis longtemps déjà dans les collectes de Facebook. Bon, par exemple, lorsque deux amis vont se mettre à aimer une page de marque, il va y avoir une petite indication qui va venir se glisser entre les autres dans la barre en bas de ce ticker-là. Il y avait tout le temps, c'est une petite genre « tel ami aime ça ». C'est marqué, mettons, mon François-Louis Marchand aime Google, mettons. T'sais. Ouais. Bon, donc ça écrivait tout le temps ça. Maintenant, c'est ce que ça va être dans le ticker, espace destiné à donner des informations en temps réel sur l'activité de ses contacts Facebook. Les messages commandités seront clairement identifiés en tant que tels dans la liste déroulante, mais j'ai vu l'image sur assemblagerequis.com dans l'article, il y a une image de quoi ça a l'air, ça, là, okay. C'est bien sponsored. C'est juste le petit mot sponsored en gris écrit en dessous, là. Fait que vraiment, c'est très, très, très, très subtil. OK. Ça se voit pas vraiment que c'est marqué ça. En tout cas. On dit que le ticker est depuis ses débuts un outil de commandite, si on veut, parce qu'il met en avant les applications utilisées par les membres de Facebook ainsi que les chansons écoutées sur Spotify, par exemple. Les notifications commandées ne seront donc, à bien y réfléchir, qu'une évolution logique de tout cela, dit Clubic.com. Moi, sérieusement, le ticker, depuis le début, je n'ai pas trouvé personne qui aimait ce ticker-là. Comme façon de marcher, comme pour lire sa nouvelle, c'est tellement trop récent. Je veux pas savoir chaque minuscule petite affaire de la vie de quelqu'un. T'sais. Je trouve que le feed du milieu de la page est rendu des choses que j'ai pas vraiment envie de voir, alors qu'il y a des choses à droite dans le ticker. Ce sont les choses que j'aimerais qu'elles soient mises en priorité dans la page du milieu. Okay. Des fois, t'sais. Alors que des fois, c'est aussi des affaires que j'ai pas envie de voir du tout. Il devrait y avoir une façon de filtrer les informations sur Facebook avec une liste de crochets facile pour dire bon, moi, tel ami est devenu ami avec tel ami, je veux pas savoir ça. Nouvelle photo, je veux ça. Nouveau vidéo, j'en veux pas. Nouveau lien internet, j'en veux. Tu sais, tu peux choisir. Tu sais, ce serait le fun si tu pouvais choisir. Ouais. Un peu. Un pas peu. Tout, là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, si mettons, tu dis non vidéo parce que tu reçois tout le temps, tu sais, mettons, exemple, des vidéos d'une personne. C'est pas les mêmes. Je sais. Ouais, ouais. Mais tu sais, si, exemple, que moi, je veux que tu vois quelque chose. Ben, c'est pas à toi de décider qu'est-ce que je devrais voir, c'est à moi de décider qu'est-ce que moi, je veux que tu m'envoies. Tu vois, tu sais. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, à la limite, tu verrais pas ce que je pose. Ouais, mais en même temps, tu sais, moi, quelqu'un qui poste, là, genre, à outrance, mettons, 25 liens par jour, OK? Je les cache automatiquement, la personne au complet, je la cache. Fait qu'il voit, je vois pas plus ses affaires. Fait que d'avoir un contrôle, ça fait au moins que je vais te garder comme ami, tu sais. Mais tu restes comme ami, non? Tu restes comme ami, mais l'autre personne sait pas, mais je vois plus rien de ce que tu postes, tu sais. Mettons, je te bloque, François, je ne reçois plus rien, mais là, t'as l'impression que oui. C'est comme traite un peu parce que tu penses que j'en suis tes affaires parce que je suis encore ami avec toi, mais ouais. Un petit peu plus de personnalisation, je vois pas le trouble que ça ferait, et puis tu sauras jamais que je les vois pas tes affaires autant que tu sais pas que je t'ai non, caché. C'est bon. En tout cas, moi le ticker, là, je l'ai dans le ticker. Là dans le ticker, tu l'as profond dans le ticker. Il m'écœure. Les tickers. C'est ça. 6 degrés de séparation, tu connais la théorie, François? On a même une émission ici assez fou nommée 6 degrés qui est basée là-dessus. C'est l'idée, la théorie, qu'on si on choisit deux personnes au hasard dans le monde, celles-ci sont séparées en moyenne par 5,2 personnes. On arrondit à 6 pour être vraiment safe. Là. Les réseaux sociaux viendraient réduire encore davantage cet espace à 4,74. Oh. C'est précis. Des chercheurs de l'Université de Milan ont conçu un algorithme qui leur a permis de calculer la distance entre deux utilisateurs sur Facebook. Donc, on est encore dans le domaine de Facebook sans qu'on le remarque. Hein? Mais bon, plutôt cette année, ils ont eu l'accès aux données de 721 millions d'utilisateurs de Facebook, soit 10% de la population mondiale. Au total, 69 milliards de connexions ont été étudiées. Wow! Leur étude titrée 4 degrés de séparation a démontré... Eux, ils arrondissent vers le bas. Hein? T'as vu ça? Tantôt, c'était 5,2, on arrondit ça à 6. 4,74, on descend ça à 4. Ouais. C'est bien, bien logique. Ça paraît mieux. C'est sûr, c'est sûr. Donc, leur étude a démontré que d'une personne choisie arbitrairement à une autre, il y a environ 4,74 bons qui les séparent. Et je cite, en prenant un utilisateur de Facebook situé dans la toundra sibérienne ou dans la forêt péruvienne, un ami de votre ami connaît probablement un ami de leur ami. Je trouve ça vraiment dur à croire. Vraiment, hein, je trouve. Ben ça, je sais que les gens voyagent, là, mais c'est pas quelqu'un de la toundra sibérienne. À 4,74 amis, je sais pas. Ben, peut-être. Ouais, peut-être. Mais leur étude a l'air crédible avec le nombre de gens qu'ils ont vérifié. Okay. Le monde rapetisse davantage quand on le concentre à un seul pays. Alors ça, c'est évident. En moyenne, 84% de nos amis Facebook proviennent du même pays que le nôtre. Réduisant la séparation à 3 degrés. La théorie des 6 degrés de séparation, bon, s'appuie notamment sur les travaux de Stanley Milgram et Jeffrey Travers. Je vous épargne les détails. Les lettres... Blablabla. Voilà. Le reste, c'est des informations sur ça. L'étude italienne donne également des informations sur les membres de Facebook. On apprend que plus de la moitié des membres du réseau social ont plus de 100 amis. Un utilisateur de Facebook sur 10 a moins de 10 amis. What? Une personne sur 10 a moins de 10 amis. Alors, c'est des nouveaux, là. Ouais. Des nouveaux inscrits, je pense. Ils sont en retard. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme quand... Ou ils veulent simplement pas... Ah, il y en a qui mettent même pas leurs photos sur Facebook, là, ça arrive. Non, je voulais dire, tu sais, c'est comme... ça me fait penser aux commentaires, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui vient d'un autre pays, puis tu dis, « Hey, tu connais peut-être, là, puis là, tu parles d'une autre personne qui vient du même pays que tu as rencontré il y a 5 ans. « Hey, tu connais-tu, tu sais, je suis allé à l'école avec... » Pas tant, non. Pas tant, tu sais. Pas tant. Maintenant, passons à une nouvelle qui me fascine en ce moment et je trouve ça fantastique. Et j'ai lu qu'il y avait Trois-Rivières dans la liste. Donc, On est là. C'est un article de la Tribune, premièrement. Grâce à une subvention de 1,65 million de dollars octroyée lundi par Québec, les usagers de la société de transport de Sherbrooke, munis d'un téléphone intelligent, vont pouvoir connaître en temps réel l'endroit exact où se trouve leur autobus. Ça c'est cool. C'est génial. Les prochains arrêts et les correspondances sont aussi affichés et annoncés de façon sonore dans les autobus sherbrookois, comme c'est le cas depuis longtemps dans le métro de Montréal notamment. Tu sais, le bing, prochaine station, Berry-UQAM. Le ministre responsable de l'Estrie, Monique Gagnon-Tremblay, a annoncé l'octroi d'une subvention de 1,65 million de dollars à la société de transport de Sherbrooke. Cette subvention provient d'une partie des revenus de la taxe fédérale sur l'essence et d'une contribution du gouvernement provincial. Elle couvrira 84,5% des dépenses admissibles qui totalisent 1,95 million par rapport à 1,65 plus tôt dans l'article. Ce montant permettra à la STS, c'est à Sherbrooke, de déployer un système d'aide à l'exploitation et à l'information aux voyageurs, ce qu'on appelle le SAIEV. S-A-E-I-V. Le projet s'échelonnera sur 5 ans. Il est mené en partenariat avec les sociétés de transport de Lévis, de Saguenay et de Trois-Rivières. Donc, dans les 5 prochaines années, peut-être qu'à Trois-Rivières... Sur mon sel, je vais pouvoir savoir. C'est fun. Tu sais qu'il faut que tu sortes 15 minutes en retard parce qu'ils sont en pause toute la journée à STTR. Ouais. Donc, voilà. Comment? Allons. Ça me tape tellement ses nerfs. L'hiver, surtout, là, c'est pénible prendre l'autobus à Trois-Rivières. Pénible. Même pour 5 $ ça reste pénible. Bon. Parlons de Noël. On en parlait hier très brièvement. Les enfants qui veulent des iPads. Ouais. On avait dit que c'était le cadeau numéro 1. Les soldes, les soldes du Black Friday et du Cyber Monday sont imminents. Est-ce que tu connais Black Friday? C'est quoi ça, donc? C'est le lendemain du Thanksgiving, la Seconde Grâce américaine. La folie, c'est là où il y a des jeux des morts. Des morts. Les gens se pilent dessus. C'est ridicule. Fou, tout à fait. Hey, en passant à Choix, hier, ils ont découvert Black Friday, l'animateur du midi. Hey, là, c'est rendu là qu'on va voir le Black Friday. Là. Hey, ils nous achalaient avec Boxing Day, puis on veut nous achalaient avec Black Friday. Hey, nouveau, nouveau Black Friday. Tout à fait nouveau. Belle découverte. Vraiment, tu sais, j'aime ça de l'information à jour, là, même. Bref, les fêtes approchent à grands pas et les petits Américains rêvent de cadeaux, particulièrement de produits Apple et d'iPad, selon Nielsen. Nielsen qui a mené une étude auprès de 3000 enfants, près de 45% des enfants américains de 6 à 12 ans veulent un iPad contre 31% en 2010. Voilà. Apple occuperait également la deuxième et la troisième place de cette tranche d'âge, puisque 30% d'entre eux rêvent d'un iPod Touch et 27% d'un iPhone. Tant qu'à souhaiter quelque chose entre un iPhone et un iPod Touch, choisis donc un iPhone. C'était pas, tu sais, juste comme rêve, mettons. Là. Mais j'avoue que si tu veux être réaliste, ton iPod Touch, c'est peut-être plus. Ouais, c'est peut-être plus crédible. Seuls 25% des 6 à 12 ans se satisferaient d'une tablette qui n'est pas un iPad. Ah oui, les gens ont juste demandé une tablette. Ah ben. Et 19% se contenteraient d'un téléphone qui ne soit pas un iPhone. Ah, moi, je veux un Nokia, là, avec les petits écrans. Non, mais ils veulent un téléphone. C'est ça, ils veulent juste un téléphone. Exact. L'iPad arrive aussi en tête des lettres du Père Noël des plus de 13 ans. 24% d'entre eux en voudraient un, mais seulement 8% à iPod Touch. Ce sont les ordinateurs et les liseuses, ça c'est les book readers, les readers, là, qui arrivent en deuxième position avec 18% de prévision d'achat dans les 6 prochains mois. Cette étude reflète l'envie générale cette saison de jouer high-tech. Divers organismes et vendeurs, dont la Toy Retailers Association et Toys R Us, et le Conseil canadien d'évaluation des jouets, ont identifié cette tendance et choisi des appareils numériques comme le KiliZoom de VTech et des tablettes comme le LeapPad Explorer de LeapFrog parmi les incontournables de Noël. Dans un rapport du 16 novembre, l'association américaine Teachers Resisting Unhealthy Children's Entertainment, donc les enseignants contre les divertissements malsains pour les enfants, ou le Truce, ont condamné certains jouets électroniques comme la tablette Vinci, par exemple, destinée aux bébés et aux petits-enfants. Ah, wow, une tablette pour bébé, c'est ridicule. Selon l'association, ces terminaux remplaceraient dès la naissance les interactions avec les individus et le monde par des écrans. C'est ça. Comment c'est pas à cet âge-là là, de remplacer les interactions interpersonnelles là, par des gadgets tactiles? Voyons donc. Oh mon Dieu. Sérieusement. Je vais vous réserver un article pour le site internet sur assemblagerequis.com. Ça vous tente d'aller voir un oreiller robotisé qui vous réveille quand vous ronflez. Donc, les blogs santé sont en effervescence par rapport à un oreiller robotisé en forme d'ours polaire qui vous réveille en douceur quand vous ronflez. Les chercheurs disent que ça pourrait apporter une solution à l'apnée du sommeil. Donc, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Donc, on termine avec deux nouvelles de jeux vidéo, rapidement. 1,6 million de joueurs pourraient quitter World of Warcraft pour Star Wars The Old Republic. Oh! Très gros jeu qui s'en vient, ça, vraiment. Est-ce que c'est déjà sorti? Je m'excuse, je sais pas. J'ai parlé un petit peu trop vite, je suis pas certain si c'est sorti déjà. Bref, selon une étude menée par Lazard Capital Markets et Peanut Labs, auprès de 381 joueurs de World of Warcraft, il se pourrait bien que l'hémorragie d'abonnés puisse se poursuivre avec l'arrivée à la fin du mois de décembre. Voilà. Fin du mois de décembre, hein, tu vois comment c'est mon genre de jeu. De Star Wars The Old Republic, le jeu massivement multijoueur et en ligne que prépare BioWare et Electronic Arts. D'après l'enquête, entre 900 000 et 1 600 000 joueurs pourraient faire le switch, l'échange, le passage au nouveau quand jeu. Même. C'est beaucoup trop pour World of Warcraft. Sérieusement, la compagnie doit capoter. Les chiffres indiquent en effet que 50% des joueurs interrogés ont l'intention d'acheter Star Wars The Old Republic et que 38% supplémentaires se disent intéressés par le jeu. Il ressort aussi que seulement 33% des joueurs questionnés prévoient de se réabonner à la sortie de Mists of Pandaria, qui est la nouvelle extension de World of Warcraft attendue l'année prochaine. Ça, c'est Mists of Pandaria. C'est avec la nouvelle race. Tu sais, t'as des races dans World of Warcraft, là? Des mages ou des peu importe. Ou non plus. Mais tu vas pouvoir jouer le rôle de panda. Fantastique. C'est... va m'acheter ça. Ben, c'est ça. Non, mais apparemment que les pandas sont vraiment cool, cute, bien faits, avec des genres de pouvoirs vraiment le fun, des capacités, des habiletés vraiment le fun. Mais n'empêche que maintenant, à cause du film là, des pandas de DreamWorks, là, c'est comme devenu ça des pandas. Donc, quand tu mets ça dans un jeu, c'est pas, ça fait enfanter un petit peu, peut-être. Mais bon. Bref, il ne s'agit là que de spéculation, mais les chiffres ne sont pas spécialement rassurants. Non, certainement pas. Certainement pas. C'est triste. Mais bon. C'est ça. Voilà. Il nous reste aussi une dernière nouvelle sur la Kinect. François, tu as une Kinect. Tu connais ça, t'aimes ouais. ça? Ça va sortir sur PC début 2012. Ah ouais? Oui. Microsoft va commercialiser la version optimisée pour PC de son accessoire de détection de mouvement à partir du début de l'année 2012. Bonne idée. Oui. Des jeux et des logiciels sont rendus compatibles via un programme de licence. D'abord né sur la console Xbox 360, le système de reconnaissance de mouvement Kinect a d'abord été porté sur PC par des pirates avant que Microsoft n'officialise ce portage en distribuant un kit de développement pour rendre l'appareil des jeux et des logiciels compatibles avec Windows. Il faut croire que les développeurs ont bien travaillé puisque le lancement commercial de Kinect sur Windows s'effectuera début 2012. Comme vient de le confirmer une note officielle publiée cette semaine. On ne sait pas encore si l'accessoire en lui-même aura subi des modifications esthétiques, mais à l'interne, sa partie matérielle et sa partie logicielle auront été retravaillées pour s'adapter à l'usage sur PC. Le câble de connexion USB sera raccourci et sa prise aménagée via un adaptateur pour pouvoir être branché aux côtés d'autres périphériques. La caméra pourra faire une mise au point sur des objets rapprochés jusqu'à 50 cm de son objectif en liaison avec des logiciels disposant d'un mode qui permet d'exploiter une si courte distance. Par exemple, assis devant un PC, donc un peu comme une webcam, ça va être capable de voir d'aussi près que ça. Par ailleurs, un programme de licence a été annoncé par Microsoft, ce qui signifie que ses éditeurs pourront commercialiser des logiciels conçus pour fonctionner avec Kinect. Voilà. Bon. Formula. C'est tout. Ils devraient peut-être se concentrer à sortir des jeux. Qui ont de l'allure avec la Kinect. À la place. Ouais. Mais bon. J'avoue, les affaires de danse, c'est le fun, mais... Ben, c'est pas si le fun que ça. C'est ça. Les jeux de danse, c'est des jeux pour les petits-enfants. Ouais, non, c'est ça. À un moment donné, là, on veut autre chose. Là. C'est quoi le jeu qui se passe comme une pièce de théâtre qui a l'air vraiment cool? Ah, je sais pas. Gunslinger, quelque chose de genre? Non, je connais pas. Attends un peu, je crois que c'est Gunslinger. Ça. Gunslinger, je crois. Ah, je suis pas certain. En tout cas, je cherche, je vous le trouve pendant qu'on écoute une pièce de chiptune, évidemment. C'est l'artiste Rokow, R-O-C-C-O-W, avec Swing Jitting. Une pièce qui n'est pas finale, nous dit-il, mais en même temps, moi, je la trouve tellement bonne que même si elle sortait comme ça, je la trouverais bien correcte. Hein? On écoute ça dans le bloc Scénix. assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Oui, toujours Assemblage requis. Et tantôt dans la chronique CNX, on parlait d'un jeu sur Kinect sur Xbox 360. C'était The Gunstringer, le jeu. The okay. Gunstringer. Mais je suis allé voir la petite bande-annonce sur thegunstringer.com. Ça n'a pas l'air intéressant du tout en regardant ça. Oui, je l'ai vu aussi. Pas malade. C'est ouais, ordinaire. C'est... Moi, c'est quelqu'un que je connais qui m'a montré ce jeu-là sur Québec. Donc, c'est vraiment, t'as comme un personnage d'une pièce de théâtre qui avance. Les décors sont faits à la main. Tu vois des mains arriver, placer les affaires dans le décor. Tchoup, tchoup. Et après ça, t'as comme, dans le fond, les mouvements que tu fais, c'est comme tu lèves les mains, tu fais des affaires genre pour sauter. C'est ça, pour tirer peut-être ton fusil, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment bien, bien fait. The Gunstringer, allez voir ça sur thegunstringer.com. Et cherchez les bandes annonces sur YouTube à la place. De regarder la bande-annonce sur le site. T'sais. Ouais. Allez voir les autres infos à place. Toujours Assemblage Rocky, donc maintenant c'est le bloc Il était deux fois. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Peu importe. Drop ça. Deux fois. Drop ça. Il était deux fois, c'est le bloc François-Olivier Marchand où on présente deux pièces. Deux tonnes, deux chansons, two chansons. Deux chansons. D'un seul et même artiste et ou groupe, mais souvent plus ou. Que. C'est rarement artiste et groupe. Hein? Artiste et groupe. Artiste ou groupe. Ou groupe. Un seul à la fois. Okay. Comme mettons, c'est un groupe. Mais par contre, c'est un groupe, tu sais, ce qui devient confus un petit peu dans la règle, c'est que là, c'est un groupe avec trois noms pareils, tu sais. C'est comme, c'est trois noms. Là, tu mets ça beaucoup trop compliqué. C'est les yes. C'est comme trois groupes. C'est comme trois mots dans un groupe. Yes, c'est un groupe. Yes, c'est un groupe. Yes, c'est un autre groupe. Puis yes, c'est un autre groupe. Mais ils jouent tous ensemble, tu sais. Je sais pas combien de membres là-dedans, mais chacun a son yeah, j'imagine, sûrement. Chacun s'est sûrement approprié son yeah. Il doit y avoir du monde là-dedans. Ça doit, là. C'est comme les mes aïeux, ça, là. Oh, ouais. Donc, on va entendre deux pièces des yeah, yeah, yes. C'est une demande spéciale de David Ferron, notre nouveau... gars des promos. Le gars des promos. Comme on aime le dire dans les autres radios, le gars des promos. Mais on n'ira pas lui parler en direct d'un magasin Nowhere pour vendre des affaires alors qu'il est seul dans la boutique, mais qu'il fait comme s'il y a bien du monde. On fera pas ça. On va entendre deux pièces qui nous ont conseillé des yeah, yeah, yes, c'est Maps et Zero. Donc, un à la suite de l'autre, comme ça, vling, vling, vling, thum, Gunstringer. Dans la face pour David Ferron. On t'envoie ça. T'es fin. Bon matin. On t'en direct de l'entrepôt de ces fous. Oui, c'est Crazy Matt. Oh, le fatiguant Crazy Matt. Il est fatiguant, hein? C'est fou. 89.1 FM. Oh. J'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Say, Deux pièces de Yeah Yeah Yes dans le bloc Il était deux fois d'assemblage requis. Ça, c'était Zero sur l'album It's Blitz. Et avant, on a entendu une pièce de l'album Fever to Tell, c'était Maps. Maps. Maps, d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans le jeu Rock Band. Es-tu sérieux? Ben oui. Arrête-moi non, ça. Je te le dis. Je te crois pas. Je te le dis, Mathieu. C'était une demande spéciale. En fait, deux demandes spéciales hein, de notre ami David Ferron. Le gars des promos. Le gars des promos. Oui, on le salue et on le remercie pour son bon choix. T'sais, on le connaît pas tant que ça encore. C'est bien arrivé. Mais à date, on sait au moins qu'il y a du goût musicalement. T'sais. Il n'a pas demandé, tu sais, du Juliette Renault. Il l'a demandé, mais c'était une joke. Tant mieux. J'espère, en tout cas. C'est de la deviner des fois, c'est des jokes. Hein? Oui, oui, c'est des jokes. Ben oui. Donc, vous êtes toujours à Assemblage requis, François. Ça, c'était le bloc, il était deux fois. T'as aimé ça, j'imagine. Ben oui. Nous, ça nous a touché, Mab. Du Yeah Yeah Yeah, on aime ça. Ouais, c'est bon. Tu sais, je te dis. On va faire le bloc que t'aimes encore plus, sûrement. C'est un fait. C'est un fait. Hey, t'as deviné ça de même? J'ai deviné. OK. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et aujourd'hui, on a des petits faits quand même assez rapides pour la plupart. La plupart. Mm-hmm. Savais-tu qu'un poisson qu'on appelle le zebra fish? Et là, j'ai vu plusieurs traductions de zebra fish. Il y avait poisson zèbre, évidemment. Je pense qu'on se serait tous attendus à ça. Mais j'ai aussi vu dard perche. Dard perche. Bref, un zebra fish, disons-le de même. Tu sais, on parle de l'expression souvent réparer un cœur brisé. Mm-hmm. Eux, les zebra fish peuvent littéralement réparer leur propre cœur brisé. Je te jure, ils sont capables de régénérer des muscles cardiaques. Oh, ouais. C'est intéressant, je trouve. Muscles cardiaques, ce serait le fun, ça, pour les humains. On pourrait pas développer une technologie, là, pareil, comme les poissons d'art, perche. Hein? Pour la médecine, ce serait parfait, ça. Oui. Ben oui. Le 11 novembre 2011, bon, on sait tous, là, tout le monde se rappelle. C'était l'extase, hein? C'était-tu une belle époque, ça, dans le temps, du 11 novembre 2011? Hein? Tu te rappelles-tu, ça? C'est rien passé. Non, rien du tout, rien du tout. Mais les gens capotaient pour rien, tu sais, c'est un peu ce que les gens font. Donc, 11 novembre 2011, un bébé est né à 11h11 du matin, donc le 11-11 du 11 à 11h11, là. Celle où tout le monde a fait un vœu, j'imagine. Mais il y a eu une seule naissance rapportée à cette heure exacte-là. Oh, ouais. Et 11 secondes. Hein. Le docteur a vraiment... Là, il est sorti, la tête est sortie. Le corps au complet est sorti à 11 secondes. Là, j'en suis certain. Donc, la meilleure chose, c'est que le bébé est né le jour du souvenir. Hein, évidemment, le 11 novembre, on sait tout ça. D'un couple vétéran de l'armée. Okay. Donc, la mère du bébé est vétéran de l'Air Force et son père est présentement dans l'Air Force. Donc, c'est une famille militaire de troisième génération. Et le bébé est né le jour du souvenir, le 11-11-11-11-11. Oh. Apocalypse Nightclub! Tout le monde capote avec ça. Là. C'est génial, c'est génial. Parle-moi de ça. Parle-moi de sarcasme. Hein? Un nom maintenant, une personne qui s'appelle Baradaranya Kopani Chadvivekachudamani Eremunyoz. A appris à écrire son nom en sixième année. C'est ça. Ça lui a pris 11 ans, 11 minutes et 11 secondes. Donc, malgré le fait que le nom est hindou, ouais. C'est comme ça qu'on dit ça, le nom est en fait appartient à un enfant de Coahuila au Mexique. Coahuila, en tout cas. Coahuila. Son nom a été donné par son grand-père. La première partie du nom, là, le barabarabloubou, ça veut dire « The man converts into what he's born ». L'homme devient ce qu'il est né, tu sais. Genre, il est en tout cas. J'ai aucune idée, ça veut dire. C'est une affaire religieuse, ça. La famille pense même soumettre son nom au livre Guinness des records. Oh, ouais. Ouais. Comme étant le plus long. Ouais, le plus long. Baradaniara Kopani Shavivati Kalechu Domani Ere Munoz. Moi, je suis pas sûr que j'aime ça, que ça puisse être au livre des records Guinness. Dans le sens qu'il y en a un plus craqué qui va arriver avec un plus long nom. Ouais, mais c'est pas dur d'avoir un nom plus long. Tu sais, mettons un record qui ça prend un talent pour le battre, mettons. Là. Ouais. C'est un peu insultant de se faire juste un nom avec une lettre de plus, tu sais. Non, c'est ça. On s'entend que Brad la chose, là, il va tout se faire appeler Bruh. Ben oui. Yo, Bruh! Yo, Goodman Brad! Ah, non. C'est n'importe quoi. Non, alors. Ridicule. Passons à la Chine, tiens. La Chine qui, dans le fond, les enfants là-bas ont comme animal de compagnie des criquets. Ça veut dire ça? Ouais, c'est ça que tu disais hier. C'est vrai, je t'avais dit que je mentionnerais ce fin-là. Ouais. Donc, le criquet. Le criquet est beaucoup plus... est quelque chose de beaucoup plus attachant pour eux en Chine. Apparemment, il y a toute une grosse tradition derrière ça. Il y a même un passe-temps qui s'appelle le cricket fighting. Hein? C'est des combats de criquet, un peu comme on fait des combats de coq aux États-Unis ou des combats de taureaux dans d'autres pays. Donc, les batailles de criquet, les combats de criquet ont démarré, ont débuté il y a plus de 1000 ans. Et les combats de criquet ont toujours lieu aujourd'hui dans des hôtels célèbres partout en Chine. Même si c'est illégal de miser ou de gager sur les combats de criquet, c'est quand même les batailles, les combats eux-mêmes ne sont pas illégaux. D'accord? OK. Donc en Inde, les criquets sont aussi sacrés que les vaches et des funérailles sont faites lorsqu'un criquet meurt avec un cercueil fait de bambou. Ça, c'est en Inde, alors que le cricket fighting, c'est en Chine, d'accord. Donc, en 2010, plus de 63 millions de dollars ont été dépensés sur le cricket chinois. Les criquets ont même une diète très, très, très stricte, avec des crevettes pilées, si on veut, d'accord. Des fèves rouges. Je pense que c'est des fèves comme des beans, là, tu sais, là. Des beans. Donc, bref. Du foie de chèvre et des insectes. Oh. C'est super, hein? C'est fantastique. Ça a l'air bon. Tu te rappelles l'île de Pâques? Oui. pas tu te rappelles comme là ça n'existe plus, là, mais tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Bon, donc l'île de Pâques, t'as sûrement vu les genres de gros bonhommes, là, tu sais, bruns, là, tu sais, des grosses têtes, là, avec des épaules, tu sais, bon, sur l'île de Pâques. Savais-tu qu'il y a un corps en dessous de ça? Mais qui est planté sous la terre? Ok, non. Ah, ça, intéressant. Je sais, c'est vraiment intéressant. Les têtes qu'on appelle des Moai, M-O-A-I, sur l'île de Pâques, ont des corps. Ces statues-là sont enterrées tellement profondément dans le sol, et vu que les têtes sont disproportionnées tellement elles sont grosses, plusieurs personnes pensent que c'est juste des grosses têtes, mais non, les corps sont vraiment là. Il y a même des pétroglyphes, des marques dans les roches qui ont été préservées en dessous du niveau du sol. Ça a été protégé de l'érosion. Ils ont fait des recherches sur l'île de Pâques. C'est le Easter Island Statue Project pour découvrir, étudier et cataloguer deux statues. Ça inclut parmi les détails un journal de tout ce qu'ils ont fait, des photographies qui montrent les pétroglyphes, ils montrent l'excavation. Et d'ailleurs, sur l'image qu'on peut voir sur assemblagerequis.com, c'est pour vous montrer l'échelle des statues. Ils se sont installés à côté des statues pour voir de quoi ça a l'air. C'est un humain versus la statue en termes de grandeur. Et ils touchent à la statue et les règles ont changé depuis. T'as plus le droit de monter sur les Moai maintenant, mais l'expédition s'est passée avant le changement de règles, donc on les voit vraiment grimper. Il y a un gars sur le sommet de la statue sur la photo. Vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a un corps. Et non seulement un corps, mais aussi des mains. Donc, dans le fond, ils protègent leur... ils sont comme juste à côté de leur partie, apparemment, dans ces statues-là. Parce que vraiment, ça a l'air pas mal de ça à l'échelle. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. C'est fascinant de voir ça. Petit fait rapide maintenant pour terminer. Tu sais le mot cubicule? Ouais. On utilise tout le temps le mot cubicule. On pense tous que ça vient du fait que c'est un cube, tu sais. Ouais. Mais non, parce qu'un cube aurait 6 côtés et t'as pas de toit, là. T'as pas de plancher non plus dans ton cubicule. Le plancher n'est mais pas. T'as un plancher. Ouais, mais le plancher n'est pas dans le cubicule. Le plancher serait là même s'il n'y a pas de cubicule. C'est comme juste 4 murs ou même c'est pas mal 3 murs et demi, c'est comme une entrée, mais il y a un mur qui n'est pas complet, sinon il fallait que tu l'ouvres tout le temps. Bref, non, le mot cubicule ne vient pas de cube du tout. Ça vient du latin cubiculum. Qui veut dire? Qui veut dire bed chamber, donc chambre de lit, peut-être, quelque chose genre. Cubiculum, c'est du latin. La pièce où il y aurait un lit, tu sais. Bed chamber, j'imagine. Ensuite, William Marston, le créateur du détecteur de mensonges. Tu sais, le détecteur de mensonges, hein? Patrice Lécuyer, etc. Il était aussi... Pas ça, là. C'est une blague, le détecteur de mensonges en tant que temps. Il était le cerveau derrière la super héroïne de bande dessinée Wonder Woman. Il a inventé donc le détecteur de mensonges et Wonder Woman. Gars prolifique, tu sais. Il y a quelques personnes qui ont survécu après avoir sauté en bas du Golden Gate Bridge, le pont là, à San Francisco. Ces personnes-là qui ont réussi à survivre à ça disent que ça prend environ 4 secondes avant d'arriver dans l'eau. Et c'est bien assez de temps pour penser et regretter ta décision. Bien assez de temps. Je te crois. Moi, 4 secondes. Qu'est-ce que je viens de faire là? Bon. Elle fait pas un flat, hein? École, non. Ça déchire tes entrailles. Ouais. C'est clair. Le Rose Bowl, tu connais le Rose Bowl? Ça, c'est du football, ça? Le Rose Bowl? Rose Bowl. Oh, un peu, là, je tape ça. Rose Bowl, il me semble que c'est du football. Playdrome Bowl, Rose Bowl, Rose Bowl Stadium de Pasadena, en Californie. Non, la partie Rose Bowl, voilà. Sur Wikipédia, on dit Rose Bowl, présenté par Vizio. Ça, c'est commandité, ce match-là à la TV. Ça se joue le 1er janvier, le jour du Nouvel An. C'est exactement. Vrai. Et ça se joue au Rose Bowl de Pasadena, en Californie. Attends un peu, qu'est-ce que c'est? C'est un... Pas du bowling. C'est du football américain collégien. Football, collège, là, etc. Donc, le Rose Bowl, au départ, ça s'appelait Battle of the Flowers. Wow. Le combat des fleurs. C'est tendre. C'est tendre, c'est bartender, c'est super. OK, on parle de couleur de voiture. Couleur extérieure d'une voiture, ça varie par le type de véhicule. Donc, je te nomme des véhicules et tu me dis quelle est la couleur la plus populaire. Okay. Ou est-ce que tu veux le contraire? Est-ce que tu te nommes une couleur et tu me dis c'est quoi le véhicule? Non, on va y aller. Okay. Les deux. Véhicule. Donc, camion. Camion noir? Non, blanc. Blanc? Ouais. Voiture luxueuse. De luxe. Noir? Oui, exactement, noir. Et autre voiture? Rouge. Non, argent. Argent. Quand même, hein? Camion blanc. Voiture luxueuse noire et autre voiture argent. J'aime ça. Et on termine avec ce dernier. En 1986, tu connais Ted Nugent, le chanteur de rock and roll? On en joue des fois à l'émission classique avec Alain Lefebvre, Ted Nugent. Donc, il a misé 10 millions de dollars pour acheter la compagnie Muzak. Tu sais, la compagnie qui fabrique la musique d'ascenseur. Okay. On appelle ça souvent de la Muzak, de la musique poche, de la musique de point, point, point, ouais, point, ouais, c'est... point, point, point. Donc, il a misé sur la compagnie Muzak 10 millions de dollars pour fermer la compagnie. Ah, mais l'offre a été rushed. 10 millions pour former quelque chose. Ben, tu sais, quand la musique est si plate que ça, c'est comme... Mais ouais, il va en avoir un autre qui va se revirer, qui va l'ouvrir. Puis... C'est clair. Muzak. Muzak. Je trouve... Ouais. Voilà pour la chronique, c'est un fait, François. Merci. Ça fait plaisir. Ah, c'est la fin de l'heure aussi. Déjà. C'est vrai, on s'en revient tantôt avec la chronique aléatoire de Myriam Fugère. J'espère qu'elle n'a pas fait d'accident. Elle m'a écrit, elle a dit qu'elle s'en vient, elle va être en retard, mais elle va arriver. Prends ton temps. Take a time, take a time. Et parle-nous de ce que tu veux. C'est... Ouais, parle-nous de l'état des routes. Ah, ben. On pourrait faire un bruit d'hélicoptère. Ça sonne pas vraiment comme un hélicoptère, ça. Non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Comment tu fais pour imiter un hélicoptère? Ah, je... Ah, ouais, ça a plus de sens. Tape sur le chest. Ça, ouais, ça a plus de sens. Arrête pas. OK, oh, ben, on l'entend pas, c'est par-dessus le thème. Non. Ah! Non, c'est pas super. Bon, je sais pas. C'est plus gossant que d'autres. Ouais, peut-être. L'Info Campus s'en vient. Après Myriam Fugère, il y a aussi Yann Martel et Jasmine Raymond-Dréville. Donc, restez avec nous! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Mercredi 23 novembre, c'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky avec François-Louis Marchand. Ben, tu plantes! Myriam Fugère s'en vient en quelques minutes avec sa chronique aléatoire. C'est n'importe quoi, sa chronique! Ouais. On est mieux qu'elle prenne son temps. Ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné... Prends ton temps, sois prudente. On veut t'avoir en un seul morceau, ça. Ben oui, tout à fait. Et pas comme un verre de terre, là. Non. Si elle fait un accident, elle va pas se... C'est on n'aura pas deux Myriam, moi, c'est ça. Moi. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est de mauvais goût, hein, ça, je trouve. Hein? C'est de mauvais goût? Ouais. Non? Je sais pas. Je sais pas. Hey, d'ici la fin de l'émission, on va voir Jasmine Raymond-Dréville avec son quiz enrichissant notre vocabulaire. On va avoir des buzzers, j'ai hâte d'avoir des buzzers. Ouais, j'ai entendu dire par exemple que Mathieu Plante avait eu droit à quelques réponses. C'est faux, j'en ai eu même pas la moitié à peine. Donc si vous voulez miser sur quelqu'un ce matin, misez sur Mathieu Plante. C'est le choix gagnant. Ouais, je pense que oui. Mais je vais essayer quand même, je vais travailler fort, tu sais. Je vais essayer de sonner avant lui et puis d'essayer de lire sur tes lèvres. On va travailler dans les coins, on va travailler fort. C'est ça. Travailler fort. Ouais. Restez là, là. Et puis, vers les 8h30, Yann Martel avec sa chronique financière. Ouais. Alors, restez là pour l'instant, c'est Sonny Pompey de Let's Have That. You can't afford your man's eyes. You even like the way qu'à éteindre le jour pour ne pas voir les morsures à mon cou. Va déposer les armes au fond. Vince Parietar et la pièce Le Filet et l'Abîme à Assemblage Requis. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu du Vince Parietar. On dirait qu'on va faire jouer. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est triste, hein, parce que c'est eux qui ont fait notre chanson thème. Et chacun de nos fonds, celui que vous entendez là, c'est d'ailleurs la chanson qui jouait juste avant. Hein. C'est drôle, dadon, comme si comme je l'avais choisi par exprès. T'sais. Mathieu Plante, petit coquin. Oh, ben, Colin! On est toujours dans l'attente de Myriam Fugère qui devrait arriver dans quelques minutes, incessamment. Ouais, d'une seconde à l'autre. Pour sa chronique aléatoire. Après ça, Yann Martel nous parle, comme on disait tantôt, de l'investissement que représentent les études universitaires par rapport aux bénéfices que l'on en retire. Exactement. Comme les emplois qu'on peut occuper, un peu quelque chose comme ça. Ça, ça vaut la peine de payer pour une éducation, c'est pour vous donner des bénéfices après. Hein? C'est ce qu'il va nous dire. Ce sera à 8h30. Et ensuite, à 8h45, Jasmine Raymond-Dréville avec notre quiz sur les phobies. Le quiz qui donne l'avantage à Mathieu Plante, rappelons-le. La seule chose que j'ai retenue dans ce cas-là. Non. Je veux pas le savoir. Okay. Garde ça pour toi. OK. Mais en tout cas, il y en a une phobie, là. Tête de bine. Que c'est, en tout cas, bref. C'est un long mot. T'as entendu? Hein? J'ai dit tête de bine. Ouais, je sais, c'est insultant, mais je voulais pas répondre parce qu'en même temps, je t'aurais insulté encore plus. Bon. Hein? On se rappelle de notre merveilleuse insulte. C'est le jour des poubelles. Reste pas sur la rue. Ils vont te ramasser. Puis, non. T'as fait attention? Oui, j'ai fait bien attention. Toi, les déchets dangereux, c'est quelle date qu'il faut voir? Je sais pas, mais. Parce que personne ne veut te toucher, on se rappelle. Personne ne va toucher non plus. Ils vont devoir attendre la cueillette des chutes. De toute façon, j'ai fait du karaté. Déchets dangereux. Amène-en des éboueurs. Ouais. Moi, j'ai fait du beurre karaté. Non, c'est quoi? Karaté? C'est ça, le beurre? Beurre de karité. Beurre de karité, ouais. Ou émission. Où tu voulais aller, là? Ou émission constituée partie de matériaux de karité. Non, ça, c'est qualité, je pense. Ouais, c'est assemblage requis. Ouais, c'est pas de karité. Non, c'est ça. Non. T'as le caroube aussi, qui est l'alternative au chocolat. Le caroube? Le caroube. Non, je connais pas. C'est comme ça goûte presque le chocolat, mais pas vraiment. Presque. Mais non. En même temps. On va retourner en musique. Oui, tout à fait. Pour s'assurer. C'est pas Kaylee? Oui, aussitôt que Myriam arrive, on veut s'assurer d'être soit en musique ou soit on vient juste en revenir de musique pour avoir le plus de temps pour elle parce qu'à 8h30, c'est Yann Martel. Fait qu'arrive, Myriam. Et dans le trafic, il y a que mais non, mais presse la peau. Non, je t'en presse pas. C'est glissant. Si elle fait un accident, tu vas l'avoir sur la conscience. T'as raison, je veux pas avoir Myriam sur la conscience. C'est ça. On est va aujourd'hui, on est en très vol. Ouvre la porte quand tu veux si jamais t'es là. T'sais. Tu peux l'ouvrir, t'as le droit. Et pas là, d'accord. Sirens de Pac est là. Et là? Et là. Ben, rentre. On aurait pu commencer ta chronique là. Entre, n'hésite pas. Entre. Hey! On laisse faire la pièce. Est vivante. On veut pas perdre de temps, nous autres. Là. Est-ce qu'on a le temps de commencer ta chronique là? Non, on va lui donner un petit break. Check là. Si on est rendu, je peux mettre de la pression. Il n'y a plus d'accident possible. Là. Dépêche-toi, t'as 3 minutes 2 secondes. C'est ton assemblage requis.

89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis jusqu'à 9h. À l'émission matinale en pièces attachées, assemblage requis. Maintenant, on reçoit Yann Martel. Voici sa chronique financière. Bon matin, Yann Martel. Bon matin, messieurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Good. Toi, ça avec... va? Oui, oui. Vous n'êtes pas trop ennuyé de moi? Une semaine sans moi? Quand non, même. Ben, oui. C'est oui. Ça, la réponse. Oui. C'était la réponse que j'attendais, Mathieu. Oui. Ben, oui. Je me sens ennuyé de ta moustache. Ah oui, ça va bien. Hein. Toi aussi, ça va très, très bien. Merci. Elle foncit, la mienne. Elle évolue très bien. Elle évolue. Voilà. Comme un plancton. On a hâte que le mois de décembre s'en vienne. Vraiment. Ça commence à démanger un peu. Ouais, ça pique tout le temps. Légèrement. Donc, pas juste moi. Yann Martel qui va nous parler okay, ce matin en fait de l'investissement qui représente les études universitaires en rapport avec les bénéfices qu'on a pu en tirer. Voilà. Donc, c'est ça. Quand on parle des études, on parle vraiment d'un investissement et non pas d'une dépense. Bien, souvent, c'est ça. C'est que la perception que les gens vont avoir des dépenses universitaires, la première chose à laquelle les gens s'arrêtent, c'est le montant que ça représente. Parce que oui, des études universitaires, on s'entend, c'est pas comme une formation professionnelle qui est plus écourtée dans le temps ou une formation collégiale qui est beaucoup moins onéreuse. Quand on pense à une formation universitaire, c'est certain, on pense à des bons montants à investir. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un investissement. Souvent, les gens vont s'arrêter, vont dire « Ouais, ça coûte cher, j'ai pas les moyens, tout ça. » Mais par contre, si on fait le calcul, ce qu'on place comme montant d'argent en ce moment versus ce que l'on va gagner plus tard, là, c'est là que le calcul devient intéressant parce qu'on s'entend, quelqu'un qui sort avec un diplôme universitaire, qui se trouve un emploi sur le marché du travail, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui n'a pas de formation universitaire en poche. Puis maintenant, il y a beaucoup plus d'emplois qui exigent des formations universitaires. Donc, il faut vraiment faire... Quand on prend en considération notre décision de se diriger vers des études universitaires, il faut vraiment prendre ça en considération dans notre calcul, de dire combien ça va me permettre d'aller chercher sur le marché du travail plus tard. Donc là, c'est là que vient la notion d'investissement. C'est que l'argent qu'on utilise en ce moment pour des études universitaires, ben elle va nous être, on va être gagnant au bout de la ligne parce que ça va nous permettre d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Non, c'est ça, exactement. Et pas nécessairement non plus tout de suite après les études, mais ou pendant, c'est ça, ou pendant les études. Non. Souvent, les gens s'arrêtent et disent « Ouais, ben là, durant mes études, je m'endette. » Puis ça, la notion d'endettement, là, on a beaucoup de difficultés avec ça. Les gens, souvent, ont peur de ça. « Ben oui, mais je m'endette pour mes études universitaires. » Mais à quelque part, c'est normal un peu qu'on sorte des études universitaires avec une certaine dette parce que, bon, il y a quelques personnes qui réussissent à faire leurs études universitaires avec des montants qui ont été placés, des parents qui sont là pour subvenir à leurs besoins, mais ils sont très, très rares. La plupart du temps, les gens vont contracter des prêts étudiants, des prêts bourses du ministère de l'éducation, des prêts personnels. Puis c'est normal parce que pendant qu'on est aux études, on n'est pas normalement complètement actif sur le marché du travail. Oui, il y a certaines personnes qui vont occuper un emploi en même temps, mais normalement, la majorité de ton temps, tu es supposé la consacrer à tes études. À tes études, oui, c'est donc, tu es moins disponible pour être sur le marché du travail. Alors, ça devient pratiquement utopique de penser qu'en étant sur le marché du travail, on va réussir à payer entièrement ses études universitaires. Le calcul ne fonctionne pas à ce moment-là. Il y a quelque part, là, soit que nos études universitaires, on va passer à côté parce qu'on investit trop de temps dans notre emploi, ou oui, va arriver justement l'endettement, mais c'est normal à quelque part parce que comme on est étudiant, on n'est pas normalement complètement actif sur le marché du travail. Et c'est quand même bizarre aussi que en fait, les gens, ça ne leur dérange pas de s'endetter pour, exemple, une TV sur 30 mois, un voyage dans le sud. C'est ça. En fait, le financement est vraiment disponible. Souvent, François-Olivier, ce qui arrive, c'est que ça, cet endettement-là, c'est un bien qu'on consomme tout de suite. Ouais, c'est une satisfaction qui est immédiate. Alors que les études universitaires, bon, c'est des fois, la satisfaction n'est pas immédiate dans nos cours ou quoi que ce soit. Mais effectivement, ouais, l'investissement n'est pas à court terme. C'est vraiment à long terme. Mais par contre, quand on termine nos études universitaires et qu'on réussit à décrocher des emplois intéressants, c'est là qu'on s'aperçoit justement. Puis parler avec des gens qui ont terminé leurs études et qui sont sur le marché du travail, ils vont vous le dire que justement, c'est grâce à leur étude universitaire qu'ils réussissent à obtenir ces emplois-là, puis à avoir justement une bonne rémunération. Il y a des domaines qu'on n'a pas le choix. Exactement. On regarde un bel enseignants. Ça, c'est un très bon exemple qu'on peut donner parce qu'à l'époque, les enseignants, bon, il y avait le cours classique souvent qui était exigé ou les gens qui avaient des formations connexes. Ou un cheminement de vie, exemple. Exactement. De l'expérience ou des choses comme ça pouvaient réussir avoir des emplois d'enseignement. Mais maintenant, vous savez, ils font beaucoup un espèce de ménage dans le monde de l'éducation. Puis tous les gens qui n'ont pas passé par la formation puis qui n'ont pas leur brevet, bien, ils leur demandent de retourner. Sur les bancs d'école? Ben voilà, exactement. Oui, ça, c'est un cas particulier. On pourra en discuter. Okay. Parce que ça, c'est un peu révoltant. Ça va faire jaser. Hein? C'est un peu révoltant ce qui se passe dans le monde de l'éducation en ce moment. Mais c'est un exemple dans le sens que maintenant, la formation universitaire est exigée pour obtenir un poste d'enseignant. Donc, ça représente, oui, un investissement. C'est que, oui, je dois prendre de l'argent pour me former, mais plus tard, je vais avoir un emploi d'enseignant qui me permet justement d'avoir une bonne rémunération. Et puis, les gens peuvent trouver aussi que c'est cher, en fait, qu'ils s'endettent beaucoup, comparativement à leurs amis qui, eux, ne viennent pas à l'université. Souvent, il peut y avoir des comparatifs comme ça. Les gens vont discuter avec leurs amis qui sont sur le marché du travail, qui occupent des emplois. Dans des fois, dépanneurs, sûrement. Dépanneurs, usines ou des emplois, ce qu'on appelle semi-spécialisés. C'est certain que, oui, si on regarde ça à court terme, la personne qui occupe un emploi, dans ses poches, il va lui rester plus d'argent. Par contre, on voit un peu ce qui se produit dans la région avec des usines qui ferment et des gens qui n'ont pas de formation précise. Ces gens-là, c'est très, très dur de se trouver un emploi par la suite comparativement à quelqu'un qui a une formation en poche et qui réussit à se replacer grâce aux compétences qu'il a acquises avec cette formation-là. Donc, oui, à court terme, on peut se dire, cette personne-là ne s'endette pas, elle profite. C'est plus tentant, c'est ça? Oui, c'est quelque chose qui est tentant, mais c'est vraiment l'image de je vous dirais, là, au niveau de... c'est ça, endettement versus investissement qu'il faut que les gens prennent en considération parce que c'est certain que si on s'arrête à l'endettement, il n'y a personne qui va suivre une formation universitaire parce que les gens vont dire ça coûte trop cher, c'est ce qui va. Puis surtout avec la hausse des frais de scolarité qui s'en vient. Mais c'est vraiment la perception au niveau d'investir pour se permettre d'aller chercher une bonne formation qui va nous permettre d'obtenir un bon emploi sur le marché du travail par le suite. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération. Formidable. Merci beaucoup. Ben ça me fait plaisir. C'est ça pour la chronique ce matin. Merci. Alors, on se retrouve mercredi prochain à 8h30 pour notre chronique financière présentée par le service aux étudiants. Oui, ça va me faire plaisir d'être avec vous la semaine prochaine. Oui, ta moustache, on va encore s'ennuyer. Ça va être la dernière semaine, je pense. Ouais, ça va être la dernière semaine. Oui, effectivement. Arrange-la, là. Et la couper, c'est un risque parce que mon garçon, là, il fait le saut à chaque fois que j'arrive et puis je suis complètement imberbe. Ouais. Donc, il va peut-être falloir la travailler d'une autre façon. OK. Modifie ton style. En même temps, il est très beau ton style aussi. Ben, merci Mathieu. C'est un plaisir. On écoute Panache très rapidement avec la pièce Stop, petite japonaise. Et après ça, c'est la chronique de Jasmine Raymond de Réville. C'est pas une petite japonaise, mais bon. Chez Stop, petite japonaise, assemblage requis au 89.fm. Il nous reste 13 minutes environ à l'émission. On se dépêche. Jasmine vient d'arriver. Bon matin. On veut pas te presser dans ton temps. J'ai failli faire des accidents, là. Ben, c'est ça. OK, là, ça commence déjà le niaisage, là. Moi, je pensais que ça allait vous empêcher de dire des niaiseries. Moi, ça fonctionne bien. J'ai rien dit à date. Jasmine, oui. Tu vas bien? Oui. Oui. La semaine passée, on t'a fait vivre un martyr total en étant vraiment pas gentil. J'ai l'impression que ça va être pire ce matin. Je pense que oui. Mais c'est toi qui as mis les accessoires. Juste à pas m'amener une flûte. Oui, mais écoutez ça. Mais la logique de la flûte, parce que je pensais qu'elle allait pas dire de niaiserie en ayant quelque chose dans la bouche. Mais tu vois que François, il a du quoi dans la bouche et il est capable de parler pareil. Ben, c'est ça. Ouais.

yourself a suit and tie some